Hier soir a eu lieu une présentation de Call of Duty Black Ops 4. Alors je vais pas vous la faire en long, en large, en travers, que tout le monde en parle. Moi c'est pas forcément ma came, mais enfin quand même, ce qui est intéressant de voir dans cet épisode, hein, qui n'aura rien de futuriste, hein, pas de méga wall jump apparemment et pas d'exosquelette de la mort, c'est le mode Blackout, hein. Donc Treyarch, hein, le studio qui s'occupe du jeu, amène, et ça c'était attendu, un nouveau mode Battle Royale, hein, qui s'inspire visiblement de Fortnite et de PUBG. Le principe, ce serait qu'une centaine de joueurs vont se retrouver catapultés, hein, sur un terrain de jeu. Ils pourront y glaner des véhicules, qu'ils soient terrestres, hein, aériens ou maritimes, des armes diverses et variées, et ils se foutront sur la gueule et il ne pourra visiblement en rester qu'un. Call of Duty Black Ops 4 sortira le 12 octobre, hein, sur PC, 12 octobre de cette année, hein, je précise, sur PC, PS4 et Xbox One. Il faut savoir que le FPS, hein, se déroule entre les événements de l'épisode 2, donc de Black Ops 2 et Black Ops 3. Il faut savoir aussi, hein, que le mode solo est mis de côté vraiment pour s'appuyer sur l'aspect multijoueur. Bref, si vous êtes fan, de toute façon, vous n'avez pas besoin que je vous en dise beaucoup plus. Et pour les autres, bah voilà, vous passerez votre chemin comme d'habitude. Mais enfin, il faut quand même reconnaître que ce sont des prods qui sont toujours hyper chiadés. Pour les amateurs du genre, hein, comme le dit la vieille formule surannée mais consacrée. Voilà, moi personnellement, c'est pas ma came du tout. Mais enfin, il en faut pour tous les goûts.